Trump, Trump, Trump, Trump. Trump, Trump, Trump, Trump, Trump, Trump. On est hostie que j'ai haï les Américains sans joke, là. Hostie que c'est un problème. Vraiment, là. Christ que j'ai. Ben, je devrais pas dire ça, là. Hostie que j'ai haï. C'est quand qu'on va hostie s'occuper de ce territoire-là ici? Calisse que je t'ai. Bon, faut pas. Regardez, moi, si je suis dans une région éloignée, puis les enfants, ils n'envoient pas de drag queen, puis il n'y en a pas de drag queen ici. Mais des hosties de mesures de malades, il y en a eu. Puis du monde mort d'un CHSLD, il y en a eu. Puis du monde qui se sont suicidés, il y en a eu. Puis du monde qui ont fait faillite, puis qui ont tout perdu, il y en a eu. Je m'en calisse, hosties des drag queen à Montréal. Je m'en fous. OK? Il n'est pas là le problème. C'est une diversion. Tandis que toutes les morts qu'il y a eu, c'est à la grandeur de la province. C'est à la grandeur de la province. Puis ça, c'est du trouble réel. Je veux dire, c'est pas juste... OK? Il n'y en a pas de drag queen ici, sacrament. Puis dans la majorité du Québec, il n'y en a pas de drag queen. Il n'y en a pas. Par contre, des crises de mesure de style sans dessin de manger une marde, il y en a eu. Il y en a eu, puis ça continue. Ça continue. Puis il y a encore des places, esti, le monde, il se promène avec des masques dans la face en pleine rue, Chris. Puis c'est bien pire que des drag queens, sacrament. Puis là, c'est ça, moi, que je dis. C'est ça, moi, que je dis, c'est une crise de diversion. Il n'y a pas un Chris d'enfant ici, autour, qui est traumatisé par des drag queens, puis qui va avoir des troubles d'identité, puis de la dysphorie de genre par des drag queens, sacrament. C'est pas pour rien que je ressuscite. Puis si ça continue, je m'en vais à Temple, au Texas. C'est là, m'aller vivre, esti, tellement j'en ai plein le cul. J'en ai vraiment plein le cul. J'ai l'impression, esti, que le monde sont moins obsédés par Trump là-bas qu'ils citent. Sacrement. OK. Là, je n'ai manqué un peu, là. Je m'excuse, là. On est au Québec, c'est... On est au... Je m'en calisse de Trump. Je m'en calisse de cette hostie de cave-là. Hostie que je l'ai jamais... Je veux dire, ça fait longtemps, tu sais, je veux dire, on le connaît. Puis moi, je pense que... Je vais être franc. Moi, à mes yeux, Trump, hostie, il fait partie des plans de relations publiques, de... En tout cas, moi, à mes yeux, ça l'est, le deep state Trump. Je m'excuse, il fait partie. Ça en est de l'opposition contrôlée, à mes yeux, Trump. Hostie que j'haïs ce gars-là. Dès qu'il a autorisé le remdesivir, hostie de tabarnak, il y a combien de monde sont morts les reins bloqués, calice, hein? L'opération World Speed. Ah oui, c'était une sacrament de calice de Christ de Saint-Cyboire d'hostie que j'haïs cet homme-là. Je l'ai, j'aime, ça va plus loin que ça, là. Je suis tout seul à... C'est dès qu'on s'en va puis qu'on s'est Trump, Chris, on est au Québec, sacrament, puis on n'est même pas capable de bâtir un pont, hostie. On n'est même pas capable de bâtir un pont. On vote pour des hosties de manger une marde qu'on le sait en plus. François Legault, hostie, ça fait longtemps qu'on le connaît. C'est Lucien Bouchard qui est allé nous chercher cette hostie de... On le sait, c'est qui? Il n'y a rien qu'un petit Christ de génération qui a été élevé à la lueur de la TV dans les années 50, qu'il ne sait pas c'est qui. Sacrement! Quand j'étais enfant, j'en ai connu du monde. Il était né en 1910, en 1912, puis ils passaient leur temps à me dire « Faut pas croire tout ce qu'il y a à la télévision. » Cette génération-là, il est intelligent. Cette génération-là, il est intelligent. En revenant de Londres, j'ai pris de la drogue. T'as un petit fuck you, Callie, ce petite crise de pollution du tabarnak. Ce que ça a donné, c'est ça que ça a donné, des affaires comme la crack. Il a fallu des décennies de conditionnement. Je suis bien content d'avoir été enfermé d'une certaine façon dans les livres. À un moment donné, j'ouvrais la TV, puis je regardais ce qu'il y avait là-dedans, puis à un moment donné, je me suis rendu compte que je n'étais plus capable. Que je n'étais plus capable, puis je la voyais. Je le voyais, là. Puis j'avais fait des exercices pour reconnaître le subliminal d'une publicité. Juste des magazines, là. À un moment donné, je le voyais partout, tout le temps. Tout de suite. Ben là, à un moment donné, ça va faire. À un moment donné, ça va faire. Parce que, Chris, c'est, on paye tout. On paye tout, puis il n'y a plus moyen de vivre. Et on ne peut plus vivre normalement. Ils ont tué le plaisir, la joie de vivre, hostie. On est de plus en plus en enfer. Ça fait longtemps là, que vraiment, je le regarde ça, puis c'était prévisible ce qu'ils ont fait. Pas la forme que ça allait prendre, mais on le savait. On le savait que c'est ça qui finirait par arriver. Puis pendant qu'on se casse la tête avec, on a quitté le monde des choses, style réel, le concret. Puis on est parti fio dans le monde des idées, on fly. Comme Louise Forestier, là, en arrière de Charlebois. Ouh, ouh, ouh! Calice de Christ. Moi, je l'avais dit des années d'avance. J'ai dit, ils vont la légaliser, ils vont légaliser toutes les drogues. C'est sûr. C'est sûr. On le connaît, le plan. Ça a tout été pensé. L'université Oxford. Il vient d'où l'eugénisme? Ça vient d'où ça, l'eugénisme? On est-tu rendu pas de cœur? Est-ce qu'on est rendu des hosties d'ordinateur? C'est-tu l'intelligence artificielle qui pense à notre place? Et où? Il est où le côté humain? On a de plus en plus ça va, moi, on a le droit de s'appeler des humains. Moi, on a le droit de s'appeler des humains. Tout le monde qui a fermé le gueule, vous êtes complices. Tout le monde qui a vu ces affaires-là puis qui n'ont rien dit, vous êtes complices. Voyons donc, c'est l'évidence même. Pourquoi j'ai réouvert une chaîne? Pourquoi j'ai parlé? Pourquoi j'en ai parlé le plus possible? Parce que j'avais pas le choix. Je ne suis pas capable de faire autrement. De la même façon qu'il y en a qui on dirait qu'ils n'ont pas le choix, ils ne sont pas capables de faire autrement que d'être des hosties de tas de marde. Tellement qu'on vient qu'on ne leur en veut pas. Je me dis, ah bon, on a un lexique pour ça. C'est de la programmation. C'est de l'inconscience. C'est pire que de l'inconscience. C'est bien pire. Hostie, c'est le mal. C'est des forces du mal. Puis je ne parle pas au sens théologique, là. Ça va plus loin que ça. C'est des forces de mort. Le monde de la mort. Ceux qui gèrent la vie par la mort. Il vient de là, l'eugénisme. Il vient de là. C'est quoi l'intellect, au fond? L'eugénisme, ça n'avait pas le choix d'aboutir à. Ça pouvait pas, l'intellect, ça n'avait pas le choix d'aboutir à ça. Voyons donc. Pourquoi qu'à un moment donné, l'intelligence artificielle est devenue, ils se sont rendus compte que c'était l'intelligence artificielle par elle-même, elle devenait fasciste. Parce que c'est de l'intellect artificiel, c'est pas de l'intelligence artificielle, c'est de l'intellect artificiel. C'est pas pareil. Voyons donc. Ce qui compte, c'est ici, notre pays. Nos familles. Car, lisse qu'on est épais. Ça me rend. Je viens tellement en colère. Ça me met tellement en colère. On perd tellement d'énergie. Je veux dire, ils craignent le monde, cluc, ils tournent en rond. On dirait des petites bébites mécaniques. Voyons donc. Voyons donc. C'est dans notre face. C'était là. C'était là dans notre face. Puis le monde, il n'osait rien dire. On est mieux, esti, de crever avec notre dignité que de vivre longtemps dans l'indignité. C'est quoi cette mentalité-là? C'est quoi cette mentalité-là? Je ne comprends pas, là. On va tout y passer pareil. Pas si ça continue. Faut aussi bien de faire ça, de leur rendre la tâche plus difficile, me semble. C'est pas normal. Bon, on n'est pas loin du nouvel âge, là. Je pense qu'il y a des choses qui doivent arriver, que notre monde est en train de mourir, puis on ne pourra pas l'empêcher. Bon, vous pouvez le faire, essayez, allez-y. On ne peut pas être contre la vertu. Mais qu'est-ce qui est écrit? Car ces choses, il faut que ces choses arrivent. Moi, je ne peux pas me battre contre ça, là. Je peux juste, en tant qu'individu, passer le test en ne me laissant pas faire, par restant intègre. Puis comme ça, même que ça tombe, ben, peut-être que nous autres, on ne tombera pas, puis après, on verra. Ça ne pourra pas être de même éternellement. Ça ne pourra pas être de même éternellement. Ça se peut pas, c'est pas viable. À moins qu'il y ait des imprévus, des... Mais il reste qu'on s'est fait tellement avoir, puis ça fait tellement longtemps que ça dure. Ben franchement, juste de penser à tout ça, ça m'enrage tellement. Ben moi, bon, à un moment donné, il en est dit, oh, je suis plus capable d'être négatif. Ben ça, ça veut dire que tu n'es pas capable de transmuter l'énergie. Moi, ça... Que ça soit négatif ou positif, de l'énergie, c'est de l'énergie. Je peux convertir, puis... Je vais être de bonne humeur pareil.